sans amertume, plier la toile. On peut aller jusqu'au bout du monde, écrire des noms que la mer efface. Chacun sa part de chagrin à la croisée des chemins. Nuisant lune, remplie d'étoiles, sur des routes inconnues, respirer l'horizon. Ce qu'on laisse au détour rempli de maladresse, ce qu'on donne en retour pour cacher la détresse. Et l'amitié qui demande pourquoi. Aujourd'hui le regard est frileux. Sans lune, remplie d'étoiles, bête apeurée, ange aveuglé. Le passé est passé, reste au fond de l'âme une mélodie, un blues qui s'enflamme. Quand l'amitié nous demande pourquoi. Nuisant rempli d'étoiles, sans amertume, plier la toile. On ne peut tuer le temps sans blesser un peu l'éternité, sans blesser un peu l'éternité. Aujourd'hui le regard est frileux. Aujourd'hui